Temps irrévocable a fui, l'heure s'achève. Mais toi, quand tu reviens et traverses mes rêves, tes bras sont plus frais que le jour qui se lève, tes yeux plus clairs. À travers le passé, ma mémoire t'embrasse. Te voici, tu descends, courant la terrasse, odorante et tes faibles pas s'embarrassent. Parmi les fleurs, par l'après-midi de l'automne au mirage, de ce tremble inconstant que varient les nuages, averrai-je encore ce fardé ton visage d'ombre et de soleil. Par un après-midi de l'automne au mirage, de ce tremble inconstant que varient les nuages, averrai-je encore ce fardé ton visage d'ombre et de soleil.